Oh le marché, c'est vraiment toujours de l'exo. RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. C'est là. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai peut-être un voile dans la voix. Je sens que traîner dehors par des vents terribles ce matin. Il faisait 8 degrés, mais on avait l'impression qu'il faisait moins 20. C'était terrible. Je pense que j'ai attrapé un coup de froid. Et donc, quand on fait la radio, on se sert principalement de la voix. Ça ne va pas être très, très pratique. On va essayer quand même d'aller jusqu'au bout, de tenir pendant 2 heures. Je suis Thierry Gallet. Je vous tiens compagnie jusqu'à 22h pour la saga des Fab Four numéro 437. Nous sommes le 15 janvier 2020. J'en profite, si vous revenez seulement maintenant à l'écoute de RIG, de vous re-souhaiter une très, très bonne année 2020. J'espère que tout se passera bien pour vous. Pour nous aussi, on attaque la 36e année. On est en plein dedans. 36 années de saga. Des Fab Four. Vous imaginez, dans 4 ans, on va faire les 40 ans. Waouh! J'espère qu'on les fera. L'album de la semaine, c'est l'album London Town de Paul McCartney en 1978. On écoutera Café on the Left Bank, London Town, le fabuleux I'm Carrying. On écoutera également 2 chansons collées, enfin une chanson et un instrumental, Backwards Traveler et Cufflink. J'adore ces 2 morceaux ensemble, c'est très très bien. Il y aura Don't Let It Bring You Down. Et Girlfriend, il me semble, oui, Girlfriend. Voilà, pour l'album de la semaine, il y aura également du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour Lennon, ce sera Remember sur l'album Plastic Ono Band de 1970, toujours la même année, en 1970. Mais sur l'album All Things Must Pass, ce sera George Harrison qui nous chantera Ballad of Sir Frankie Crisp, Let It Roll, un titre assez long. Une très très belle balade, en effet. Pour Ringo Starr, ce sera Call Me en 1974 sur l'album Goodnight Vienna. Et les Beatles, par exemple, ce sera Here Comes the Sun, mais la prise numéro 9 que vous pouvez découvrir sur l'album Abbey Road, ressorti en 2019 pour les 50 ans de ce fabuleux album. Voilà, pour le reste, je vous convie à nous retrouver sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. C'est le topic qui est tout en haut. Vous allez voir, de toute façon c'est là où il y aura le plus de paroles assurément. Et donc on se retrouve là-bas et on commence tout de suite avec cette chanson qui rappelle la jeunesse de Paul McCartney, Café on the Left Bank sur l'album London Town. Bonne soirée. C'est le sixième album des Wings, donc de Paul McCartney, puisque vous savez que j'estime que autant les Beatles avaient quatre personnalités bien différentes, autant les Wings, c'est le groupe de Paul McCartney, donc j'aime bien dire qu'à partir de 1970, eh bien c'est Paul McCartney jusqu'à maintenant. Donc c'est quand même leur sixième album, et c'est un album très disparate, puisqu'il a été commencé, il en a fait un tiers à Abbey Road, et il a fait le reste sur un yacht aménagé en studio qui l'avait emmené vers les îles Vierges parce qu'il avait envie de respirer un petit peu l'air pur, d'avoir un petit peu de liberté. Et la liberté, il en a eu plus qu'il en a pensé, Paul McCartney, puisque le démarrage du disque en 1978 s'est fait à 5. Et lorsqu'il a dit qu'il voulait partir en voyage pour l'inspiration et tout ça, il y en a deux qui ont dit « Ah ben non, le batteur et le guitariste ». On dit « Non, moi, je retourne aux États-Unis, j'en ai marre, je voulais te le dire, mais voilà ». Et puis l'autre « Non, j'ai pas l'intention de partir », etc. Ils se sont retrouvés à trois, comme lorsque Paul McCartney a fait, 5 ans plus tôt, « Ben on the Run ». Et McCartney, quand il est en difficulté, il n'est jamais aussi bon. Donc, il va faire de très très belles mélodies à trois, avec Denny Lane, avec sa femme Linda et lui-même. Et ça va donner un bon album, un album qui s'est plutôt bien vendu. Dans les années 70, lorsque un album de McCartney se vendait entre guillemets pas trop bien, beaucoup de groupes ou beaucoup de chanteurs auraient aimé en vendre autant de pas trop bien. Il n'a pas été numéro 1 aux États-Unis par contre, bien que cet album paraisse juste après le single Mule of Kintyre qui là a cassé la baraque. Donc il a été emmené à la suite de ça, mais ça n'a pas marché aussi bien. Il y a de très très belles mélodies, très très bonnes chansons qu'on écoutera, je vous les ai citées tout à l'heure. Donc nous allons continuer avec le John Lennon et Remember sur RG. When you were small, La chanson Remember de John Lennon, celle-ci Let It Roll et The Ballad of Sir Frankie Crisp, pour donner le titre exact et en longueur de cette chanson-là, aurait pu figurer sur un album en 1970 des Beatles. Ils auraient pu, le niveau est là, mais c'est comme ça, ça s'est arrêté parce qu'ils avaient 30 ans, parce qu'ils avaient des avis divergents sur des avis musicaux, des avis commerciaux aussi. McCartney voulait reprendre les tournées, pas les autres. etc., etc., etc. Et surtout, et aussi, George Harrison, justement, puisqu'on vient d'en parler à l'instant avec cette chanson-là, n'avait pas assez d'espace sur les disques des Beatles. Deux chansons, c'était largement pas suffisant. La preuve, avec ce triple album All Things Must Pass qu'il vous faut absolument avoir dans votre discothèque. Je parle doucement parce que je crois que j'ai relativement mal à la gorge, ce qui ne va pas m'empêcher de vous écrire sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. J'y vais tout de suite, juste après Call Me, appelez-moi. C'est Ringo Starr qu'il chante en 1974 sur l'album Goodnight Vienna. A bad dream, dear. Remember, I slept too. Remember, I slept too with you. Pas très très souvent cette chanson, mais elle est fort sympathique. L'excellent album de 1974 de Ringo Starr. Nous avons écouté Paul McCartney, John Lennon, George Harrison, Ringo Starr. Nous allons donc partir du côté des Beatles. Et puisqu'on part du côté des Beatles, il faut parler de Lovely Rita.

Ce fut le début d'une bataille à couteau tiré qui porta sur le choix du nouveau manager des Beatles et sur ce qui devait être au sujet de l'état désastreux des finances du groupe. Alan Klein proposa de restructurer Apple, d'organiser une offre d'achat pour les parts de Northern Song, qui n'étaient pas détenues par les Beatles, et de renégocier un meilleur contrat avec EMI. Il réussit à convaincre John, George et Ringo de sa capacité à réaliser ses objectifs, mais Paul resta fidèle à John Eastman. Le résultat de cette situation fut que l'existence même des Beatles était menacée et que les réunions organisées chez Apple étaient extrêmement tendues. Un matin, dans les premiers jours de printemps, George constata que tout cela lui donnait l'impression d'être retourné à l'école et il décida d'aller plutôt passer la journée chez son ami Eric Clapton. Ayant emprunté une guitare sèche à Clapton, George alla se promener dans le jardin. C'était la première journée ensoleillée de l'année. Il ressentit soudain une vague d'optimisme et composa « Here comes the sun ». C'était une telle libération pour moi, expliqua-t-il à l'époque. La chanson est venue toute seule, voilà ce qu'on pouvait dire, au sujet de cette belle chanson. L'album de la semaine, London Town. Voici la chanson titre, London Town, sur RG. Bien entendu, c'est Paul McCartney. Walking down the sidewalk on a purple afternoon, I was accosted by a barker playing a simple tune upon his flute. Toot, toot, toot, toot. Silver rain was falling down upon the dirty ground of London Town.

Vous avez reconnu Sgt Pepper, Lonely Hearts Club Band en 1967 sur RG. Et on reste dans la douceur. Quelques années plus tard, en 1973, la lumière qui a illuminé le monde mystique, George Harrison. L'album de la semaine, l'album London Town de Paul McCartney en 1978. C'est donc le sixième album, j'allais dire en début d'émission, des Wings, qui recèle son lot de mélodies imparables, quelques perles de culture et deux, trois purs joyaux parsemés de superbes plages de guitare acoustique nappées d'harmonies vocales soyeuses. L'album baigne dans un climat tempéré. London Town, Café on the Left Bank, I'm Carrying, qu'on va écouter dans quelques instants, confirme la virtuosité mélodique dont Paul McCartney a su faire sa marque de fabrique. Il n'oublie pas de swinger avec I've Had Enough ou Name and Address aux sonorités 50s. Deliver Your Children est une ballade envoûtante qui rappelle le folklore irlandais et le groupe Crosby, Stills & Nash. Et avec Famous Groupies, il balance un diamant noir non conventionnel et pourtant attachant. Paul prend aussi sur cet album-là une voix de fossé surprenante pour Girlfriend. Il n'avait jamais chanté aussi haut. Et Michael Jackson le reprendra avec aisance sur son album Off the Wall dans une version légèrement différente. Mais c'est la chanson de Paul McCartney, Girlfriend, en 1979. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cet album-là.

Sortira en 1973 sur l'album Mind Games, mais il avait déjà travaillé sur cette chanson depuis 1971 avec un titre provisoire qui était Call My Name, appelle-moi. Mais dans la chanson finale, c'est John qui appelle Yoko, passant du rôle de consolateur à celui de suppliant. Il est extrêmement révélateur de voir que l'une des rares choses que John Lennon ait appris à dire en japonais soit « Asumasen », c'est-à-dire « je suis désolé ». Cette chanson contribua sérieusement à renforcer l'image de Yoko en femme dragon dominant John. Ben oui, c'est vrai. Ben, qu'est-ce que vous voulez ? S'il était heureux comme ça. I said Thierry Gallet, animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Paperback writer. Pascal le souligne sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Frère Jacques, je dois avouer que pendant des années et des années, j'ai écouté cette chanson sans me rendre compte qu'il disait dans les chœurs à un moment donné « Frère Jacques ». Évidemment, je m'attendais à de l'anglais, donc je ne comprenais pas les mots français. Et puis un jour, ça m'est venu à l'oreille parce que je l'ai lu quelque part ou je l'ai entendu, on me l'a dit. Et maintenant, je n'entends que ça, Frère Jacques. Voilà, c'est ça l'inspiration chez les Beatles. On met un petit peu tout du moment que ça sonne bien et ça sonne très très bien. Et puis, comme on l'a dit également sur Facebook, quelle ligne de basse. On est dans un bar tranquille le soir, un piano bar, et Ringo Starr nous chante Harry's Song. C'était en 2008 sur l'album Liverpool 8, et c'est sur RIG. Like the songs of long ago, never fast and not too slow, a melody telling me something should last forever. In other days and different times, when June and moon would always rhyme, a boy and a girl romancing, dancing together. Music played this way. A friend, it's true. He sang songs like this for me and you. Whenever I hear without you, rest. Tomorrow is a yesterday. Cause nothing ever goes away. The love that is living inside you will guide you forever. À l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est London Town par Paul McCartney en 1978. Et voici le nouveau titre, Backwoods Traveler, enchaîné avec Cufflink. Servi de cet instrumental pour l'autre émission avant de connaître Eric, que vous connaissez pour Johnny de A à Z. Je faisais déjà Salut les bronzés, une émission qui ne se préoccupait pas de mettre les Beatles à l'honneur, et j'avais utilisé cette air-là, Cufflink, en tant que générique. Je le trouvais très très très sympa. Et nous en sommes à la cover. La cover, c'est une chanson qui a été chantée par John Paul Ringo George et qui est rechantée par quelqu'un d'autre, qu'il soit connu ou pas. Et même, ça peut être quelquefois les Beatles eux-mêmes qui ont repris, par exemple, Little Richard, et on écoute la version de Little Richard. Et bien là, la semaine dernière, je n'ai pas eu le temps de passer la chanson comment s'appelle-t-elle, Mary Hopkins, pour Goodbye. J'ai passé seulement la version de Paul McCartney. On répare aujourd'hui avec la version de Goodbye de Mary Hopkins sur RIG. C'est la cover de la saga des Fab Four. Cette chanson qui est ma préférée de l'album avec I'm Caring. Voici With a Little Luck sur RG, Paul McCartney. With a little luck, we can help it out. We can make this whole damn thing work out. With a little love, we can lay it down. Can't you feel a town exploding? There is no end. J'avais noté, c'est la première fois que Paul McCartney mettait vraiment en avant les synthétiseurs, mais il le fait, comme d'habitude avec tout ce qu'il fait, avec grand talent. Give me some truth. No, your head, yellow belly's on the tricky. guitar. She was long and tall, she was the queen of them all. George Harrison sur RIG, mais aidé par son copain Tom Petty, son pote Bob Dylan, son ami Jeff Lynne et également Roy Orbison, puisqu'il s'agissait du premier album des Traveling Wilburys sorti en 1988. Roy Orbison était encore là, on l'a entendu dans la chanson. On revient à l'album de la semaine avec Don't Let It Bring You Down, Paul McCartney en 1978 sur London Town et sur RIG. sur le devant de la scène en 1987 avec cette reprise Got My Mind Set On You. Et là, j'adore cette version de 8 Days A Week, qui est une version différente de celle que vous connaissez. Elle est sur les anthologies, bien entendu, les Beatles. Oh, Let's go back. Même plus le temps de vous dire que c'est deux compositions, une de John, une de Paul, qui ont été mixées ensemble, parce que si on est trop lent, on ne passera pas toutes les chansons. Eric arrive dans une bonne vingtaine de minutes plus deux, puisque je finis souvent à 22h02, pour son émission Johnny de A à Z. Vous avez entendu Paul hurler, le voici avec une voix de fossé, Girlfriend, sur RG, extrait de l'album de la semaine. What you do? Yeah.

Tout le monde, je vais laisser le micro avec plein de microbes à Eric pour son émission Johnny de la Z. À très très bientôt la semaine prochaine, si tout va bien. Salut, ciao. Arnold!